vraie raisonnable, m'a dit la NPE. Cette offre est acceptable, vous ne trouverez pas mieux. Je vous raye de mes lits et je vous coupe les vivres. Vous avez le permis B, un scooter 125. À chaque course vous gagnez 2,45 €. Entretien et licence à votre charge, pas d'avance. Très vite je deviens le roi du remonte-fil. Casque au vent, l'air de rien. Les livraisons défilent en combine intégrale. Je fais la quête du Graal. Je me suis fait des copains qui ont le même gagne-pain. Au bistrot du rond-point, on défie le destin. Bois du tort, boyau, on échange nos tuyaux. Y'avait Mathieu, on ne le voit plus, à force de griller le feu, son permis a fondu. C'est un peu raisonnable, disait la MPE. Y'avait Florence, mais peut plus travailler, à force de performance, son moteur a grillé. Cette offre est acceptable. Il y avait mon pote John. Salut John. Mais il nous a quittés. Oh non. Entre 2,35 tonnes. L'homme sandwich, il a fait. Aïe. Je m'étais fait un copain qui avait le même gagne-pain. Et puis, y a moi. Et puis, y a toi. Dans ma cellule, j'ai froid. Tu as froid. Tu piques l'essence maintenant. Oh non. Et t'en prends pour 20 ans. Cette offre est raisonnable. Cette offre est acceptable. Elle est acceptable. Cette offre est acceptable. Elle est acceptable. Cette offre